الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ما بعد. On continue la lecture et les quelques commentaires sur le livre Taysir al-Allam, Sharh Umdat al-Ahkam. On avait terminé lors du dernier cours le chapitre ou le livre des funérailles. Aujourd'hui, inshallah ta'ala, on commence Kitab al-Zakah, un livre de la zakat. يقول المؤلف رحمه الله تعالى يقول الشيخ البسام رحمه الله الزكاة في اللغة النماء والتطهير بمعنى الزيادة والطهارة وفي الشرع حق واجب في مال خاص وهو بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والنقدان وعروض التجارة لطائفة مخصوصة وهم الأقسام الثمانية المذكورة في سورة التوبة في وقت خاص وهو تمام الحول غير الثمار فإن وقت حصولها هو وقت وجوبها وسميت في الشرع زكاة لوجود المعنى اللغوي فيها وهو تنمية المال وتطهيره وتطهير صاحبه. La zakat en langue arabe signifie le fait d'augmenter et de purifier. Et en islam, c'est un dû obligatoire concernant des biens particuliers. Et le cheikh donne les différentes catégories de biens sur lesquels l'on doit sortir la zakat, qui sont les bestiaux, bahimatul an'am, wal kharij min al-ard, ce qui sort de la terre, à savoir les cultures, wan naqdan, les deux monnaies qui sont الذهب والفضة, l'or et l'argent, وعروض التجارة, et la marchandise présentée à la vente. Donc ce sont les biens sur lesquels la zakat doit être sortie. Les طائفتين مخصوصة, la zakat doit être donnée à une partie bien précise ou à des catégories bien précises, qui sont les huit catégories citées dans Sourate At-Tawbah, que l'on verra par la suite. Fi waqtin khas wa huwa tamamul hawl. Donc le cheikh a donné les différentes natures de biens sur lesquelles la zakat doit être sortie, à qui cette zakat doit être donnée, aux huit catégories citées dans Sourate At-Tawbah, et dans un moment précis, qui est lorsqu'une année est révolue. غير الثمار, excepté les fruits, فإن وقت حصولها هو وقت وجوبها. Le jour où l'on les récolte, c'est le jour où l'on doit sortir cette zakat. وآتوا حقه, comme l'a dit Allah عز وجل, يوم حصاده, et donner son droit le jour de la récolte. Et elle a été appelée zakat en islam, car la zakat renferme les deux sens littéraires, à savoir l'augmentation de l'argent et la purification de celui-ci, également la purification du donateur. On a dit la zakat en langue arabe signifie l'augmentation et la purification. Eh bien, ces deux sens sont présents dans la zakat islamique, car celui qui donne la zakat, Allah Azza wa Jal lui augmente son argent. Donc plus tu donnes et plus Allah Azza wa Jal te donne. Et également la zakat permet de purifier tes biens. La zakat permet de purifier tes biens et purifie le donateur également. Wa hiya ahadu arkani ad-din. وقد ثبتت فريضتها بالكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح يقتضيها ولوجوبها شروط أهمها الإسلام فلا تجب على كافر وإن كان يخاطب عنها في الآخرة ويعذب على تركها وثانيها ملك النصاب ويأتي بيان مقداره إن شاء الله تعالى وثالثها مضي الحول إلا في الخارج من الأرض فحوله حصوله كما يأتي. Et la zakat fait partie des piliers de la religion. Et le caractère obligatoire de la zakat est avéré dans le livre d'Allah, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'unanimité des savants et selon l'analogie authentique. Et pour que la zakat soit obligatoire, il y a des conditions qui doivent être réunies. La plus importante, c'est l'islam. La zakat n'est pas obligatoire pour le mécréant, même s'il sera questionné dessus le jour du jugement et qu'il sera châtié par son délaissement. Wathaniha, la deuxième condition, c'est d'avoir en sa possession le nisab, le seuil minimum. Et les détails de ce seuil seront cités par la suite, incha'Allah ta'ala. Et la troisième condition, c'est qu'une année soit révolue. C'est-à-dire que tu aies en ta possession les biens dont on doit sortir la zakat, à condition que tu aies eu en ta possession un seuil minimum pendant une année entière. Sauf exception faite pour les cultures et les récoltes, car elles doivent être, la zakat doit être donnée le jour de la récolte. وهي من محاسن الإسلام الذي جاء بالمساواة والتراحم والتعاطف والتعاون وقطع دابر كل شر يهدد الفضيلة والأمن والرخاء وغير ذلك من مقومات البقاء لصلاح الدنيا والآخرة فقد جعلها الله طهرة لصاحبها من رذيلة البخل وتنمية حسية ومعنوية من آفات النقص ومساواة بين خلقه بما حولهم من مال وإعانة من الأغنياء لإخوانهم الفقراء الذين لا يقدرون على ما يقيم أودهم من مال ولا قوة لهم على عمل وتحقيقا للسلام الذي لا يستقر بوجود طائفة جائعة ترى المال المحروم منه وتأليفا للقلوب وجمعا للكلمة حينما يجود الأغنياء على الفقراء بنصيب من أموالهم وبمثل هذه الفريضة الكريمة يعلم أن الإسلام هو دين العدالة الاجتماعية الذي يكفل للفقير العاجز العيش والقوت وللغني حرية التملك مقابل سعيه وهذا هو المذهب المستقيم الذي به عمارة الكون وصلاح الدين والدنيا فلا شيوعية متطرفة ولا رأسمالية متمسكة شحيحة وقد حذر الله من منع الزكاة في نصوص كثيرة وتوعد على ذلك بالعذاب الشديد فمن ذلك قول الله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وجاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يطوقه يوم القيامة ثم يقول أنا مالك أنا كنزك. إلى الزكاة في partie des bienfaits de l'islam. L'islam qui est venu avec l'égalité, la douceur, la gentillesse, la miséricorde, l'entraide. L'islam qui est venu pour mettre un terme à tout mal qui viendrait mettre en péril les bons mœurs, la sécurité et l'aisance. Et bien d'autres éléments qui permettent de faire persister le bien dans cette vie et dans l'au-delà. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait de cette zakat une purification pour celui qui la donne de la maladie de l'avarice. Et ceci, et la zakat est aussi un moyen qui permet d'augmenter la personne, d'augmenter les bonnes actions de celle-ci. La zakat, c'est également une aide que les riches donnent à leurs frères pauvres. Ceux qui n'ont pas de quoi subvenir à leurs besoins, ceux qui n'ont pas la possibilité de travailler. La zakat a été également légiférée pour établir la sécurité et la paix. Car la paix ne peut avoir lieu lorsqu'il y a dans la société des personnes affamées qui considèrent que les biens et l'argent leur sont privés. La zakat permet de réunir les cœurs et d'unifier les gens autour d'une seule parole. Le fait que les riches donnent une part de leur richesse aux pauvres contribue à cela. Et à travers cette obligation, l'on constate que l'islam est la religion de la justice sociale, qui permet de donner aux pauvres, à l'incapable, de quoi vivre et subvenir à son besoin, d'une part, mais donne également aux riches la pleine possession des biens qu'il a gagnés à travers des investissements et des efforts. La zakat est donc le chemin du juste milieu, le chemin droit qui permet d'avoir une bonne situation dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Il n'y a donc pas de communisme outrancier ou de capitalisme avare. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mis en garde contre le fait de s'abstenir de la zakat dans de nombreux textes. Et la menace d'un châtiment douloureux pèse sur celui qui s'abstient de donner la zakat. Parmi ces preuves, la parole d'Allah azza wa jal dans sourate Ali Imran, le verset 180. Que ceux qui gardent avec avarice ce qu'Allah leur donne par sa grâce, c'est-à-dire comme richesse, ne comptent pas cela comme bon pour eux. Que ceux qui s'abstiennent de donner par avarice ce qu'Allah leur a donné comme richesse, qu'ils ne pensent pas que cela est bien pour eux. Bal huwa sharrun lahum. Au contraire, c'est mauvais pour eux. Au jour de la résurrection, on leur attachera autour du cou ce qu'ils ont gardé avec avarice. Et il est rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui à qui Allah a accordé un bien et ne donne pas la zakat de celui-ci, alors ce bien viendra sous la forme, le jour du jugement, sous la forme d'un serpent venimeux. D'un serpent à la tête lisse. Shuja'an aqra'. Et les savants disent que ce serpent aura la tête lisse de par l'extrême nocivité de son venin. Son venin sera extrêmement nocif que sa tête sera lisse. Il n'y aura aucun poil dessus. Yutawwiquhu yawm al-qiyamah. Ce serpent enroulera cette personne le jour du jugement. S'enroulera autour de son cou. Et il dira, c'est-à-dire ce serpent, ana maluk, ana kanzuk. Je suis tes biens, je suis ton trésor. Celui sur lequel ou pour lequel tu n'as pas donné ta zakat, celui pour lequel tu t'es abstenu de donner les droits d'Allah dessus. ثم قال المؤلف رحمه الله الحديث السادس والستون بعد المئة. Puis l'auteur dit le 166e حديث. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. رواه البخاري واللفظ له، ورواه مسلم. سنو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh ibn Jabal lorsqu'il a envoyé au Yémen, tu t'apprêtes à te rendre chez un peuple parmi les gens du livre. Lorsque tu arrives chez eux, appelle-les à ce qu'ils attestent que nul ne mérite d'être adoré qu'Allah et que Muhammad est l'envoyé d'Allah. S'ils t'obéissent dans cela, informe-leur alors qu'Allah a rendu obligatoire pour eux 5 prières de jour et de nuit. S'ils t'obéissent dans cela, informe-les alors qu'Allah a rendu obligatoire une aumône qui est prise de leurs riches et reversée à leurs pauvres. S'ils t'obéissent dans cela, alors prends garde à leurs biens précieux. Prends garde au meilleur de leurs biens et redoute l'invocation de l'opprimé, car il n'y a entre elle et Allah aucun voile. المعنى الإجمالي: بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن داعيا ومعلما وقاضيا، فبين له صلى الله عليه وسلم صفة الدعوة والحكمة الرشيدة، فأخبره أولا عن حال من سيقدم عليهم، لأن لكل أناس خطابا يلائمهم، فأخبره أنهم أهل كتاب عندهم علم وحجج يجادلون بها ليأخذ لهم الأهبة، ثم أمره أن يدعوهم بالأهم فالأهم، فأهم شيء الشهادتان لأنهما الأساس الذي لا يقوم بناء بدونه، فلا تصح العبادات إلا إذا إن لم يوجد الإقرار قلبا وقالبا بهما، ثم أمره إذا أطاعوه بهما أن يدعوهم إلى أهم العبادات وهي الصلوات 5 المكتوبة، ثم يبين لهم بعد التزام الصلاة فريضة الزكاة التي هي قرينة الصلاة وهي العبادة المالية بعد العبادة البدنية، وأن القصد منها المواساة بين المسلمين، ولذا فإنها تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء، ثم يبين لهم ما لهم من حق الإنصاف والعدل بعد التزامهم بأداء الزكاة، وهي أن لا يأخذ الزكاة من الكرام الطيبات بل يأخذ من الوسط لأن مبناها على المواساة، وبما أن للساعي سلطة يخشى أن يستغلها في ظلم الرعية فقد حذره من الظلم لئلا يدعو عليه المظلوم الذي تجد دعوته أبواب الذي تجد دعوته أبواب السماء مفتحة، فتلج حتى تصل إلى الحكم العدل فينتصف لصاحبها الذي طلب حقه منه وهو مجيب دعوة المضطرين. Le sens général du hadith: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen en tant que prêcheur, qu'enseignant et juge. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a expliqué les caractéristiques de la da'wah et la sagesse qu'il fallait emprunter dans celle-ci. Il lui a informé tout d'abord de la situation de ceux vers qui il allait se diriger. Car pour chaque personne, il y a un discours qui lui correspond. Il lui a informé que ce sont des gens du livre, qui ont de la science, et qui ont donc des preuves avec lesquelles ils polémiquent, afin que Mu'adh ibn Jabal puisse prendre ses dispositions. Puis il lui a ordonné de les appeler aux choses les plus importantes et ainsi de suite. et la plus importante des choses sont les deux attestations, car ce sont la base. Et aucune construction, aucun édifice ne peut tenir sans ces deux piliers fondamentaux. Ainsi, les adorations ne peuvent être valides si ces deux attestations ne sont pas attestées et reconnues sous tous leurs angles. Puis, il lui a ordonné à Mu'ad ibn Jabal, s'il obéissait dans cela, à savoir d'attester que nul ne mérite d'être adoré qu'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah, s'il obéisse dans cela, alors qu'il les appelle à la plus importante des adorations qui sont les cinq prières obligatoires. Puis, de leur enseigner, après leur acceptation d'accomplir la prière, de leur enseigner l'obligation de la zakat, qui est la consœur de la prière, qui est liée à la prière. Cette zakat qui est une obligation financière après l'obligation du corps, qui est la prière. Et le but de cette aumône est l'entraide entre les musulmans. Pour cela, qu'elle ait pris des riches et qu'elle est reversée aux pauvres. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué à Mu'ad les droits qu'ont ceux de qui il va prendre la zakat, que l'on doit être juste avec eux, et qu'après qu'ils aient accepté ce pilier de la zakat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a interdit de prendre les meilleurs de leurs biens. Mais lorsqu'ils ont une zakat à donner, il faut qu'ils prennent de leurs biens ceux qui sont de qualité intermédiaire. Ainsi, la zakat des cultures ou la zakat des bestiaux, celui qui est chargé par l'État musulman et par le gouverneur musulman d'aller récupérer la zakat pour la mettre à disposition de Bayt Mal al-Muslimin et pour qu'ensuite cette zakat soit reversé à qui de droit, celui qui va récupérer la zakat ne doit pas prendre, par exemple, la plus belle des brebis, ou le plus beau des chameaux, ou la qualité supérieure de blé ou autre. Il doit prendre la qualité intermédiaire. Il doit prendre la brebis intermédiaire, non pas la meilleure que possède l'agriculteur ou autre, mais la qualité intermédiaire. بل يأخذ من الوسط لأن مبناها على المواساة وبما أن للساعي سلطة. Et parce que celui qui récolte la zakat a un pouvoir que lui donne le gouverneur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre l'injustice qu'il pourrait faire vis-à-vis de ceux qui sont sous son commandement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mis en garde contre la justice, de peur que celui qui est offensé, que celui qui est victime d'une injustice, ne trouve les portes des cieux ouvertes, et que cette invocation arrive au plus juste des justes, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il rende justice à celui qui a demandé son bien, et Allah azza wa jal est celui qui exauce l'invocation des opprimés. Et Allah azza wa jal est celui qui exauce l'invocation des opprimés. Pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et redoute l'invocation de l'opprimé, car il n'y a entre elle et Allah aucun voile. Al-ahkam al-ma'khoudha min al-hadith. Les jugements que l'on retient de ce hadith. أولاً قوله إنك ستأتي قوما أهل كتاب هو توطئه وتمهيد للوصية باستجماع همته في دعوتهم فإن أهل الكتاب لديهم علم ولا يخاطبون كما يخاطب جهال المشركين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu vas te rendre chez un peuple parmi les gens du livre. Ceci est une introduction. Ceci est une préparation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Afin que Mu'ad ibn Jabal se prépare et prenne conscience de l'importance de cela dans son appel à l'islam. Car les gens du livre ont de la science. Donc on ne s'adresse pas aux gens du livre comme l'on s'adresserait aux ignorants parmi les polythéistes. ثانياً الاستعداد بالحجج والعلم لمجادلة أعداء الدين ورد شبههم الباطلة. Deuxièmement, de se préparer avec preuves et science lorsque l'on débat avec les ennemis de la religion et lorsque l'on répond à leurs ambiguïtés fausses. Thalithan, ta'allum wa ta'lim husn ad-da'wati ila Allah li takun ad-da'wati bil hikmah. Troisièmement, l'importance d'apprendre et d'enseigner la meilleure façon de faire la da'wa afin que la da'wa se fasse avec sagesse. رابعا الدعوة إلى الله تكون بالأهم فالأهم. Quatrièmement, que l'appel à Allah se fait en commençant par la chose la plus importante et ainsi de suite. Ainsi, ceux qui commencent leur da'wa et n'appellent pas au tawhid, leur da'wa est nulle. خامسا إن أهم شيء هو التوحيد لأنه الأساس الذي لا تصح العبادات بدونه وهذا هو المراد من تقديم الدعوة أولا إلى التوحيد والإيمان. Cinquièmement, que la chose la plus importante est le tawhid, car c'est la base sur laquelle l'authenticité et la validité des adorations reposent. وهذا هو المراد من تقديم الدعوة أولا إلى التوحيد. Et c'est pour cela que l'on appelle, lorsque l'on appelle à Allah, au tawhid en premier. سادسا إن الصلوات الخمس تأتي في المرتبة الثانية لأنها عمود الدين. Que les cinq prières viennent en deuxième position car elles sont le pilier de la religion. إن الزكاة تأتي سابعا إن الزكاة تأتي في الدرجة الثالثة ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الأركان إلا ثلاثة مع أنه بعث معاذا بعد فرض الصوم والحج وفي هذا نكتة أجاب عنها العلماء بأن قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ومن سورة براءة التي نزلت بعد فرض الصوم والحج قطعا فكأن الحديث مساوقة لهذه اللفتة القرآنية هذا مع إجماع العلماء على أن أركان الإسلام خمسة لا يتم إلا بها كلها. Septièmement, que la zakat vient en troisième lieu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cité parmi les piliers de l'islam que trois, alors qu'il a envoyé Mu'adh après l'obligation du jeûne et du pèlerinage. Et il y a dans cela une nukta, yani un signe ou une allusion à laquelle ont répondu les savants, à savoir la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat At-Tawbah, le verset 5. فَإِنْ تَابُوا أَقَامُوا الصَّلَاةِ. Et s'ils se repentent et accomplissent la prière, وَآتُوا الزَّكَاةِ, et accomplissent la zakat, alors laissez-leur le chemin. En Surat Bara'a, qui est descendu, ce verset est descendu de façon certaine après que le jeûne et le pèlerinage ont été rendus obligatoires. Et les savants ont dit, c'est comme si ce hadith était une citation de ce verset. Tout ceci, bien sûr, en ayant à l'esprit l'unanimité des savants que les piliers de l'islam sont bel et bien cinq et que l'islam ne peut être complet que lorsque tous ces piliers sont réunis. Thaminan, إنه لا ينتقل من دعوة إلى أخرى حتى يطاع في الأولى. Huitièmement, que l'on ne bascule pas d'une da'wa vers une autre que lorsque les gens ont obéi sur la première. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné Mu'adh d'appeler tout d'abord au tawhid. Il lui a dit فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ. S'ils t'obéissent dans cela, alors appelle-les à la prière. S'ils ne t'obéissent pas à cela, on comprend de ce hadith que s'ils ne t'obéissent pas dans le tawhid, cela ne sert à rien de les appeler à la prière. تاسعاً إن الزكاة مواساة لأنها تؤخذ من الأغنياء لتعطى الفقراء. La zakat est une entraide, car elle est prise des riches et elle est reversée aux pauvres. Ainsi, la zakat, ce n'est pas un moyen d'enrichir le pays ou d'augmenter la richesse du gouverneur ou autre. Non. C'est un bien qui est reversé aux pauvres ou aux autres catégories citées dans sourate At-Tawbah. Ashiran, إنه لا يحل للساعي أن يأخذ من الجيد العالي بل يأخذ الوسط إلا إذا سمح بذلك رب المال بلا حياء ولا إكراه فالحق له وقد بذله. Dixièmement, qu'il est interdit au sa'i. Qu'est-ce que le sa'i? Naam? Naam. C'est celui qui est chargé par le gouverneur musulman de récupérer la zakat. Qu'il est interdit au sa'i de prendre la qualité supérieure des biens. Mais il doit prendre la qualité intermédiaire. Sauf si le propriétaire lui autorise cela, sans gêne et sans contrainte. 11. أن يخشى الساعي من ظلم الناس فإن ظلمهم سبب في دعائهم عليه الذي في دعائهم عليه الذي لا يرده الله تعالى لأنه طلب العدل والحكم والله أعدل العادلين وأحكم الحاكمين وفي الحديث دليل على فداحة الظلم. Onzièmement, que celui qui récupère la zakat redoute d'être injuste envers les gens, car le fait d'être injuste avec les gens va amener à ce qu'ils invoquent contre lui une invocation qu'Allah ne rejettera pas, car l'offensé a fait une demande juste. Et Allah est le plus juste des justes. Et il y a dans ce hadith une preuve du caractère extrêmement mauvais de l'injustice. إثنى عشر مشروعية بعث الإمام السعاة لجبي الزكاة وأن الذمة تبرأ بدفعها للإمام أو سعاته. Deuxièmement, qu'il est autorisé au gouverneur musulman d'envoyer des émissaires pour récupérer la zakat, et que celui qui remet la zakat, ou que la zakat, elle est valide, que tu la remettes au gouverneur ou à ses émissaires. Que tu remettes la zakat au gouverneur ou à ses émissaires, eh bien, cela est considéré comme avoir sorti sa zakat. ثالث عشر في الاقتصار على الصلوات الخمس دليل على عدم وجوب الوتر. Treizièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'ad et informe-les qu'Allah leur a rendu obligatoire cinq prières de jour et de nuit. Il y a dans ce hadith la preuve que la prière de l'witr n'est pas obligatoire. car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cité que les cinq prières. رابع عشر جواز صرف الزكاة لصنف واحد من الأصناف الثمانية. Quatorzièmement, on retient de ce hadith qu'il est autorisé de donner la zakat à une catégorie uniquement des huit. Car dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. Informe-les qu'Allah leur a rendu obligatoire une aumône qui est prise de leurs riches et qui est reversée à leurs pauvres. Or, on sait que les pauvres sont une catégorie parmi les huit. Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait cité dans ce hadith que les pauvres prouve qu'il est autorisé de donner sa zakat à une seule et même catégorie. خامس عشر قوله على فقرائهم استدل به على عدم جواز نقل الزكاة من بلد إلى آخر والصحيح جواز نقلها لا سيما مع المصلحة بأن يكون له أقارب فقراء في غير بلد المال أو إعانة على جهاد أو علم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عماله على الصدقة فيأتون بها المدينة ليفرقها فيها وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد والمشهور من مذهبه القول الأول. Quinzièmement, parole du prophète sallam qui est prise, une aumône qui est prise de leurs riches et reversée à leurs pauvres. À leurs pauvres. Certains savants ont utilisé cette parole du prophète sallam à leurs pauvres pour dire qu'il est interdit de donner la zakat dans un autre pays. Et Cheikh Al-Bassam dit, mais ce qui est authentique est l'autorisation de donner la zakat même dans un autre pays. Surtout s'il y a dans cela un bien et une maslaha. Surtout s'il y a dans cela un bénéfice. Comme le fait d'avoir des proches pauvres qui habitent dans un autre pays, dans un pays autre que celui dans lequel se trouve le bien. Ou bien de donner la zakat pour aider dans le combat, dans le sentier d'Allah ou dans la science. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les autres preuves que cite Cheikh Al-Bassam pour prouver qu'il est autorisé de donner la zakat dans un autre pays, est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il envoyait ses émissaires pour récupérer la zakat, il revenait à Médine et le prophète sallallahu alayhi wa sallam distribuait celle-ci à Médine, alors qu'ils ont récupéré cette zakat à l'extérieur de Médine. Et cet avis, c'est-à-dire l'autorisation de donner la zakat dans un autre pays, est une des versions rapportées de l'imam Ahmed, mais ce qui est connu dans son madhab est le premier avis, à savoir que la zakat se donne uniquement dans le pays dans lequel le bien se trouve. سادس عشر ومما يضعف القول بعدم نقلها أن أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لا تعتبر فقد وردت مخاطبتهم بالصلاة ولا يختص بهم الحكم قطعا. Et ce qui prouve également ou ce qui rend faible l'avis qui interdit de donner la zakat dans un autre pays est le fait que lorsque des personnes bien précises, lorsque l'on s'adresse à des personnes bien précises en islam, que ce n'est pas uniquement ces personnes qui sont considérées. Il a été rapporté que des personnes bien précises ont été, on leur a demandé de prier. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, wa aqimu s-sala wa atu zakah, à qui Allah Azza wa Jalla s'adresse? Non. À qui? Quel croyant? Aux compagnons, radiallahu anhum. Au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'était des personnes bien précises. Mais, à l'unanimité, cela ne les concerne pas que uniquement, mais cela concerne tous les musulmans. Pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit, ala fuqara'ihim, il s'est adressé aux pauvres des gens du livre. Est-ce qu'on comprend que ce sont uniquement ces pauvres à qui on donne ou à tous les pauvres? Voilà. Donc, la preuve est que en islam, lorsqu'un jugement s'adresse à une partie des gens, ça ne veut pas dire que cela est propre à eux. Au contraire, cela